Hématome KES, mais là n'est pas la question. Important c'est le respect de la musique. Là n'est pas la question. Important c'est le respect de la musique. Un texte qui pue la vérité sans mériter. Je pousse à cautionner le Nord Tour. Face à tous c'est votre tour. Attiré par la monnaie, en train de picorer dans ton assiette. D'élite faciès, tous comme des marionnettes de la société. Je pousse à détruire le système. Face à tous ces problèmes, juste un dilemme. Les marionnettes ont pris le dessus sur le nom peut-être, mais moi j'ai la carrette qui la roule dessus. À base de rimes lourdes, tel un messager, j'arrive pour informer, déboîter les grands de ce monde, histoire de caler quelques rimes sensées, formater les gens à ma manière, sans bannière ni militaire, hein. Juste ma gueule, quelques partenaires. Je pousse à raisonner tel un cerbère qui peut me taire à l'idée de déballer quelques phases engagées, histoire de militer pour le changement. Ouais, conscient du bordel, j'invite le spirituel à venir foutre son boxon, yeah. Alors comme ça tu te crois libre dans ce pays rempli de normes. Petit enfant de cette patrie intoxiqué par Babylone. Tu te crois libre de penser par toi-même et non par les hommes. Mais sache que l'on t'a éduqué pour que tu intègres les ordres, que tu rentres dans les rangs et que surtout tu ne fasses pas de vagues. Sinon tu termines sur un banc avec pour lui un terrain vague. On nous a appris que la vie était un éternel voyage. Le problème c'est qu'ils ont promis qu'on aurait tous les mêmes bagages. Arrête tes mensonges, parle pas d'égalité des chances. Quand l'école ne remplit pas le rôle qu'elle doit avoir en France, l'État n'assume pas ses devoirs et à force on croit ça normal. Plus on avance et plus accentue les disparités sociales. Les classes se reproduisent pendant que les mêmes galèrent. Quand tu vas toucher ton SMIC, ton patron 10 fois ton salaire. Oui, je veux que les pans soulèvent. Non, je ne suis pas un communiste, mais un citoyen de la France qui veut que l'État nous communique. Au lieu de jouer l'égoïste, écouter les voix de la plèbe, parle aux hommes politiques tranquillement assis sur leur siège. Et si ce soir j'incite au meurtre, oui, coupable je plaide. Car nous ne sommes pas des enfants de cœur, donc on coupera toutes vos têtes. J'ai cherché ma voie et je me suis trouvé comme Ghost Dog. J'en ai perdu la voix, mais j'ai recommencé. Y'a eu fausse d'hommes à cause d'hommes, ouais, qui se sont perdus dans leur tourment. Depuis la nuit des temps, le monde a pris un mauvais tournant. Donc je tourne en contrôlant, mais la vie va plus vite qu'une F1. Du coup on devient trop lent, on sait tous qu'on va devenir défunt. Le destin, moi je... Non, moi j'y crois pas trop. Quand on veut, on peut, n'importe qui peut devenir patron. Eh hey, refrain, ouais, je sais bien que ce ne sont que des mots, mais c'est déjà bien que tu bouges la tête sur notre démo. Quand je suis démo, tu fais, je me mets, ouais, rappé, je te mets au défi d'y arriver sans déraper. Sans m'être trompé, j'emmerde ces cons et leur Blackberry. Au lit avec leur femme, ils ne pensent qu'à baiser à Libéria. À les bénir, je peux dire que vous avez fait une erreur. S'enrichir, et pour eux, le seul moyen de calmer leur douleur. Mon humeur est changeante quand je comprends le vice des hommes. Prêt à tirer sur les autres quand ils visent des. On se divise, ouais ouais, petit à petit, et c'est normal. Dis-moi comment vivre avec le raciste et ses morales. Y'a pas de chorale, check. Il faut de la maillette, mon pote. Parce que sans ça, tu disparais comme les magnétoscopes. Putain, les boucles se stoppent et commencent à s'envier, man. Faudrait refaire Woodstock, mais là, sans la guerre du Vietnam. J't'assure qu'y'a pas de blague. J'réalise un micro-trottoir à Bagdad, faut que ça change. Y'est ni trop tôt ni trop tard. Bolt, natif de Jamaïque pour 4 cordons. 9,58, nous on s'en tape de Flash Gordon. La journée il se passe plus rien. Putain dans les boîtes ça se plante à coup de surin. Les gars vous êtes sûrs, hein? Pas de doute on sort serein. S'il y a embrouille, il y a embrouille. C'est un pour tous et tous pour un. C'est un pour tous et tous pour un. Important c'est le respect de la musique. Là n'est pas la question.